Laisse-moi te dire l'histoire de cette fille superbe, la sud-américaine qu'on m'appelle Marie-Jeanne. Oh, tous ces amants disent qu'elle avait le pouvoir de libérer l'esprit et d'en faire ressortir tous tes rêves, tous tes désirs. Ces amants l'ont perdu, elle n'est plus ce qu'elle était. Qu'on appelle